Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89,1 et nous allons terminer l'émission sur la question du radon. Alors, il y a deux semaines, Adeline Parent nous a expliqué d'où provenait le radon, la désintégration de l'uranium qu'on en trouvait un petit peu partout au Québec. On a vu un petit peu l'aspect géologique et chimique du radon. Aujourd'hui, Adeline est de retour. Bonjour Adeline. Bonjour. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer quel est le danger dans nos maisons, dans les édifices où on travaille finalement, et comment s'en protéger. Peut-être exactement. Un petit retour sur ce qu'on a vu il y a deux semaines auparavant. Oui, bah écoute, tu as très bien commencé. Effectivement, le radon, on avait expliqué que c'était un gaz radioactif d'origine naturelle qui venait de la désintégration de l'uranium, puis du radium. On a aussi précisé que c'était pas le radon en soi qui était cancérigène, mais c'était ses descendants. Les produits de désintégration exactement. Du radon lui-même. Qui sont à une très courte demi-vie, donc c'était de l'ordre de quelques secondes. On avait aussi expliqué que la concentration du radon en milieu domestique était entre 40 et 100 becquerels par mètre cube. On avait précisé que le becquerel, c'était le nombre de désintégrations par seconde. Mm-hmm. Il était important de noter effectivement qu'il y a du radon un peu partout sur la planète. Donc, c'est pas parce qu'on en trouve dans nos sous-sols en faible quantité que ça y est, c'est la crise, etc. Oui, c'est ça. C'est... Ouais. Voilà, il y en a partout. D'autant plus au Québec, ça aussi, je l'avais précisé, parce qu'on est sur une terre qui contient beaucoup d'uranium. Mm-hmm. Donc on va pouvoir poursuivre en expliquant par exemple comment a-t-on découvert la toxicité du radon sur l'humain. Ben oui, comment? Exactement, on avait eu des premières études sur la toxicité du radon qui viennent particulièrement des mines d'uranium, donc on peut comprendre pourquoi, et elles venaient en particulier des mines de Bohême en République tchèque. On avait expliqué à ce moment-là que certains mineurs, en fait, développaient des cancers du poumon et on essayait de chercher et de comprendre pourquoi dans les années 50. Par exemple, on avait déterminé que les mineurs indiens et mormons développaient beaucoup plus de cancers. Mais c'est parce qu'en fait, à la base, les mormons et les indiens n'ont pas de cancer du poumon. Ce n'était pas particulièrement des fumeurs, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter des cigarettes ou des choses comme ça. Et donc, eux avaient développé beaucoup de cancers. Et c'est là où on s'est dit peut-être que la présence de radon a beaucoup d'influence en fait, sur ces gens. C'est à ce moment-là également qu'on a commencé à penser à des normes, par exemple des systèmes de ventilation, etc. Mais à cette époque, dans les années 50, elles n'existaient pas, en fait. De ventilation dans les mines ? Exactement, d'accord. Dans les mines. Il y a une chose que je voulais souligner et que j'ai appris en me renseignant sur le radon, c'est comment le danger du radon dans les habitations a été mis en évidence. Et ça, oui, parce qu'il y a les mines, bon, on exactement. Comprend bien, mais on peut faire le lien assez facilement, ils travaillent avec de l'uranium, etc., mais dans les habitations, ouais, on peut pas, comment on fait le lien? Exactement. En fait, c'est en 1984 que Stanley Watras, peut-être que je le dis mal, mais en tout cas, c'était un employé de la centrale nucléaire de Limerick, en Pennsylvanie. Et en fait, il déclencha des détecteurs de radioactivité en se rendant à son travail. Donc là, à mon avis, les gens ont dû se dire, il y a peut-être une faille quelque part, mon Dieu, système et tout. Mais en fait, non. Ils ont fait deux semaines de recherche sur le sujet. Il n'y a aucune faille dans le système nucléaire, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça venait de chez lui. Et là, gros problème, ils se sont rendus compte que c'était des taux très, très, très élevés de l'ordre de 100 000 becquerels par mètre cube. Et juste pour faire un petit comparatif, c'est comme si on fumait 135 paquets de cigarettes par jour. Ouais. Donc, voilà. Et... à la suite de cette découverte hautement médiatisée, donc il y a eu beaucoup de journaux sur le sujet et tout, les normes sanitaires furent définies et on a détecté le radon et donc on a ainsi installé une ventilation qui devint une préoccupation publique aux États-Unis puisque ça s'est passé tout ça aux États-Unis. Donc, sinon, on peut aussi poser la question, comment lutter contre le radon ? Oui, oui, absolument. Donc, le radon, il peut s'accumuler dans les espaces clos, dans les maisons, dans les caves mal ventilées. Le radon, comme on a dit plusieurs fois, il a une durée de demi-vie très courte. En fait, il n'a que quelques jours pour se diffuser à travers les matériaux continus. Donc, pour faire les matériaux continus ? Voilà, pour faire plus simple, si jamais le mur n'a aucune fissure, il est très peu probable qu'il arrive dans la maison. Ouais. Oui, parce que c'est, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il sort, qu'il s'échappait du sol, tu nous avais dit. C'est parce qu'il se passait par les fissures, les fractures du sol. D'accord. Donc, effectivement, si jamais vous avez une cave qui est toute neuve, qui a été bien bétonnée partout et tout, vous avez très peu de chances que le radon s'installe dans vos caves, mm-hmm. des choses comme ça. Sinon, on peut aussi prendre en considération qu'il peut s'accumuler dans des endroits mal ventilés. Donc, il peut également quand même s'accumuler. Mais certains chercheurs ont fait remarquer qu'il s'accumulait avec les odeurs. Alors, quel est le lien ? Oui. D'accord. C'est que les odeurs sont en soi un gaz. Et en fait, ça s'accumule. Quand, si jamais vous sentez quelque chose de bizarre, probablement qu'il y a donc... peu de ventilation dans cet endroit. Ah, c'est ça, en fait. C'est ça le lien. Donc, si jamais c'est peu ventilé, vous avez des odeurs nauséabondes ou peut-être ça sent le renfermé ou des choses comme ça. Là, dans ces cas-là, première possibilité, juste aérer et vous serez assuré que s'il y a du radon, potentiellement, au moins, il s'est fait ventiler. Donc, en fait, c'est pas parce qu'il y a des odeurs qu'il y a du radon. Non, c'est juste que les odeurs veulent dire qu'il y a un problème de ventilation. Exactement. Donc, c'est ça, si jamais il y a du radon, eh bien, lui aussi ne s'échappera pas. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Le taux de radon dans les domiciles et les bâtiments publics sont très variables. Donc, ça, on le comprend bien. Si le bâtiment est tout neuf, par exemple, il y a peu de chances qu'il y en ait. Si jamais votre maison est vieille et qu'elle a beaucoup de fractures, peut-être que potentiellement, il y en aura plus. Mais si vous êtes loin d'une zone d'uranium, pareillement, ça peut changer. Donc, c'est très variable. Il peut aussi également varier d'une pièce à l'autre et d'un moment à l'autre, puisque le système de demi-vie fait que ça varie énormément. Pour donner un petit comparatif, on peut faire une comparaison mondiale des taux acceptés ou pas. Oui. Donc, par exemple, aux États-Unis et au Luxembourg, c'est 150 becquerels mètre cube qui sont acceptés. Au-delà de ça, ils commencent à s'inquiéter et à faire des recherches autour du radon. Dans l'Union européenne, par exemple, les valeurs maximales recommandées sont de 400 becquerels mètre cube. Alors, l'explication est simple. Les États-Unis ont été les premiers à découvrir ce lien avec les cancers du poumon et tout. Donc, c'est eux qui ont des normes beaucoup plus restrictives. Et nous, en Europe, on a moins le système de craton granitique qui existe donc, aux États-Unis. Et donc, peut-être que les zones d'uranium sont moins fortes et donc moins de radon, etc. Et au Canada, on avait expliqué il y a 2 semaines qu'il était passé de 800 becquerels mètre cube à 200 becquerels mètre cube. Donc, ça, c'est important à noter. D'accord. Est-ce que, bon, à part le fait que bon, il y a un danger au radon, on peut peut-être aussi voir certaines utilités? Oui, exactement. En fait, tout comme certaines choses, comme l'uranium, par exemple, qu'on a réussi à dompter et à transformer en énergie, on a réussi à transformer le radon en quelque chose d'utile pour l'humain. Mm-hmm. Donc, c'est pas que cancérigène. Donc, entre autres, on peut s'en servir dans les recherches hydrologiques. Alors, pourquoi ? Parce que si jamais on étudie les interactions entre l'eau et le sol, les ruisseaux et les rivières, tout changement significatif dans la concentration en radon dans un ruisseau, dans une rivière et tout, c'est un indicateur d'entrée locale d'eau souterraine. D'eau souterraine, on se rappelle que si jamais l'eau était donc en souterraine, elle était donc potentiellement en contact avec les zones d'uranium et tout, donc elle peut contenir beaucoup plus de radon. Si jamais elle arrive à la surface, donc l'eau est beaucoup plus ventilée et là, le radon se disperse. Ouais. Donc, ça permet de suivre finalement, s'il y a du radon dans l'eau, ça permet de suivre l'eau souterraine ? Non, ça veut dire qu'on a une entrée d'eau souterraine dans notre eau en surface. Ah oui, d'accord. Donc, par exemple, si jamais on avait une eau en surface qui était très légère en radon et que tout d'un coup on voit que le taux de radon est plus fort, eh bien il y a une entrée souterraine qui s'est faite, une déglaciation, tout d'un coup bam, plein de radon. Ah oui, d'accord. Voilà. On a utilisé, alors bon, c'est expérimental, il faut s'en rappeler, que le radon a été utilisé pour enlever des tumeurs. C'est presque contradictoire, ça fait drôle. Ouais, mais l'explication est simple. En fait, on met une capsule sur le patient, proche de la tumeur, donc généralement des tumeurs de la peau ou des tumeurs des poumons, très, ça aussi c'est marrant. Poumons alors que ça donne des cancers en tout cas. Les radiations en fait tuent les cellules cancéreuses et vu que la durée de demi-vie du radon est courte, on appelle 3,8 jours, les cellules environnantes ne sont pas affectées. Voilà. Donc Ça, c'est déjà intéressant. Mais bon, c'est quand même expérimental. Sinon, ce qui se passe, en fait, c'est que là, dans un cas comme ça, l'exposition à cette source de radon est momentanée, alors que quand c'est dans une maison, etc., c'est constant. Et c'est ça que tu avais dit il y a deux semaines. Ouais. Le problème, c'était l'accumulation des doses année après année. Ce que j'avais expliqué, effectivement, c'est qu'il fallait rester de l'ordre de 25 ans au même endroit, régulièrement, genre 4 heures, plus de 4 heures par jour, pour pouvoir accumuler, etc. Que là, c'est une application. La chronicité de l'exposition, en fait. Ouais. Exact. Ouais. Sinon, en climatologie, ça c'est donc intéressant, très intéressant d'ailleurs. Dans l'atmosphère, par exemple, le radon, qui est un gaz donc, est particulièrement adapté à l'étude de la circulation des vents. Mm-hmm. Ainsi, suivant la quantité enregistrée, on pourra déterminer l'origine continentale, donc riche en radon, ou océanique, donc pauvre en radon, d'une masse d'air. Le temps de transit de cette masse d'air au-dessus d'un continent va également jouer sur les concentrations. Mm-hmm. Donc le radon sert de traceur des masses d'air continentales. Mm-hmm. Ça c'est, à mon avis, on s'en sert beaucoup. Enfin, ouais. C'est surtout cette utilisation d'ailleurs qui ressort. Aux États-Unis ainsi qu'en Europe, on trouve quelques spas au radon. Explique-nous. Ça aussi c'est amusant. Il est possible de s'asseoir pendant quelques minutes ou quelques heures dans une atmosphère riche en radon. Donc on se plonge dans l'eau et ceux qui aiment beaucoup ça, c'est par exemple les Japonais. Dans les eaux chaudes de Misasa Totori, au Japon donc, l'eau est naturellement riche en radium et elle expulse du radon. Il est important à noter que même s'ils expliquent qu'il y a des valeurs thérapeutiques, ce n'est pas prouvé scientifiquement. D'accord. Ouais. Donc voilà, il faut faire des nuances. Ça rappelle curieusement les barres à oxygène qui existaient il n'y a pas très longtemps. Oui. Ça dit quelque chose. Non, ça me dit. On peut respirer de l'oxygène pur dans un bar sous prétexte que ça pourrait nous euphoriser un peu ou nous rendre plus léger ou améliorer notre respiration, alors que dans le fond, notre hémoglobine est saturée à 98%. Ah ben oui, on ne peut pas en prendre plus. Ça ne change pas plus, ça ne change rien. Ouais. Sinon, on peut peut-être faire des rappels de chiffres importants. Oui, parce que tu nous en as dit plusieurs, donc ça se mélange un petit peu, les normes, les concentrations. Exactement. Donc, la limite acceptable de radon au Canada est de 200 becquerels mètre cube. Mm-hmm. Mais on se rappelle qu'en moyenne, il y en a entre 40 et 100 becquerels mètre cube dans une maison, dans un environnement. Dans un environnement habituel. Voilà, exactement. Mais plutôt des endroits clos, puisqu'il y en a très peu au niveau de l'air pur. Okay. Ensuite, 30 000, c'est le nombre de maisons qui pourraient être touchées au Québec, selon les estimations préliminaires de Santé Canada. Mm-hmm. 10%, c'est le nombre de décès dus au radon, donc qui provoque un cancer du poumon, au Québec, l'an dernier, par exemple. Donc, on a spécifiquement attribué au radon. Et pas la cigarette ou autre sorte de pollution. Voilà, ou 10%. 10%. Ça sous-entend 630 décès sur les 6300, sachant que les trois quarts, c'est quand même le tabagisme. D'accord ? Il faut se rappeler ça. C'est pas, on ne va pas avoir un cancer du poumon et dire « Ah, c'est parce que j'ai trop fumé ». Non, non. Ouais. Enfin, en tout cas. Mais comment on a fait pour savoir, c'était, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais je me pose cette question-là, comment on a fait pour dire que c'était vraiment le radon et pas une autre cause ? C'est une excellente question. Je pense que, par exemple, si moi qui ne fume pas, si jamais j'attrapais un cancer du poumon, on serait en droit de faire des recherches. Mmh. À partir de là, on rechercherait peut-être chez moi. Et c'est là où peut-être on ferait des recherches sur, par exemple, le taux de saturation de radon chez moi. Et s'il dépasse un certain seuil, on pourrait peut-être me demander quel est mon mode de vie. Donc, par exemple, est-ce que je reste souvent chez moi ? Est-ce que je vis plutôt dans ma cave ou au rez-de-chaussée ? Et ainsi de suite. Mm-hmm. Je pense que c'est plus des études, en fait, comportementales. Mm-hmm. Mm-hmm. Ou est-ce que ça pourrait provenir aussi des composés de dégradation qui s'accumuleraient dans l'organisme ? Aussi, peut-être que si jamais on faisait des prises de sang et qu'on découvrirait tissus, effectivement... Oui, pareillement. Mais en radiologie tout court, avec une radio des poumons et on dit vous avez un cancer, bon, je ne suis pas sûre que ce soit déterminable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire finalement si on est inquiet de la présence possible de radon chez nous ? Ok, alors celle-là, c'est simple. Il faut se fier à l'Association pulmonaire du Québec. J'en ai souvent parlé aussi il y a deux semaines. Elle expliquait par exemple que si on est inquiet du radon chez nous, il faut aérer 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir et on n'aura pas de radon. C'est aussi simple que ça. Oui. Il ne faut pas aller chercher compliqué. C'est peut-être un petit peu simpliste, mais on a souvent dit, pareillement là, il y a des 10 minutes qu'on a passées là, que le radon dans l'air se dissipait énormément. Oui. Donc ça me paraît logique finalement d'aérer. Mmh. C'est la moindre des choses. Donc on fait un petit courant d'air, ça s'en va comme une odeur de poisson. Exactement. Sinon, les tests, on peut faire des tests qui permettent d'avoir une bonne idée de l'indication du niveau de radon présent dans une résidence, donc chez nous. Ça s'appelle un disomètre. Un dosimètre. Dosimètre. Et en fait, il faut aussi prendre en considération qu'il n'y a aucun programme de certification au Canada pour la détection du radon. Donc Santé Canada, en fait, reconnaît des programmes américains comme le National Environmental Health Association, NEHA, et le National Radon Safety Board, NRSB. Donc en fait, ils envoient juste un professionnel à domicile et ils font des recherches sur le radon et tout. Sinon, si je reviens sur le principe du dosimètre, en fait, il est vendu par l'Association pulmonaire de Québec. Là, les propriétaires, en fait, font des tests à la maison. Puis, en fait, ils renvoient la fameuse machine à Acustar, qui est aussi un système américain. Et le laboratoire américain renvoie les analyses et nous donne les résultats. Et juste une chose, je voudrais donc finir avec ça. L'Association pulmonaire du Québec souhaite faire un portrait précis du radon, de l'étendue du radon dans sa province. Et donc, Monsieur Brisson, qui est directeur général de l'APQ, il demande l'autorisation au laboratoire de divulguer les résultats. Seulement, les résultats sont confidentiels. Donc, si jamais sur votre feuille, vous vous inquiétez pour le radon, vous faites des tests, vous l'envoyez à la CUSTAR, si jamais il y a une case... donner des informations confidentielles, dites oui. Juste histoire qu'on puisse avoir une carte précise de l'étendue du radon sur le territoire du Québec. Ah oui, ce sera peut-être une bonne idée de documenter un petit peu la situation. Exactement. D'accord. Ben, je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur le radon dans ces deux chroniques, finalement. Le radon, d'où est-ce que ça venait, quels étaient les risques, comment s'en protéger. Alors, merci beaucoup, Adeline. Je vous en prie. Et j'espère que tu vas nous revenir avec des chroniques aussi enrichissantes. On va tout faire pour.